reprendre. Épisode 8. Alors, on a quand même des auditeurs qui s'investissent, Jacques, hein, puisque tout le monde nous parle du son. Et on Salut nous dit à toi. Qu'il est bon. Et merci à toi aussi, d'ailleurs, de nous indiquer tout ça, l'indication. C'est important. On a changé le groupe. Un peu tout à l'heure, c'était un peu fort. La purée. C'est le groupe électrogène qu'on a changé pour vous dire exactement, sans envoyer trop. Et voilà, là c'est un son gym, un son NF, bien sûr, labellisé, bien sûr, nous niquons le droit d'auteur là en direct live, mais après tout, hein, nous sommes juste sur le Web Ellington World Cup Rugby 2011. Bonjour à vous. Vous vous réveillez? Vous vous levez? Ouais. Vous vous élevez? Oh, wow, buvez un café. Alors, ou alors recouchez-vous. Funky stop. Recouchez-vous. Funky stop. Car des fois, ça vaut le coup. Recouchez-vous. Chez vous. Chez vous. Restez chez vous. Chez vous. Car des fois, recouchez-vous. Chez vous. Car des fois, restez chez vous. Chez vous. Oh oui. Oh l'amour. C'est la bière. Toujours, je me ta bière et ton petit verre. Couchez-vous. Sacré coup de soleil quand même. Ah là, là quand même. Il faut être con, voire dragon. Oh. Allez, on voit le combat de boxe là qui reprend entre Jean-Pierre Arrêtez Lacroix morceau, et Gilbert. Arrêtez-moi ce morceau derrière là, qui s'est mis à chanter. On, oui, oui, on regarde cette. Bienvenue sur Europe 1 si vous nous rejoignez. Non, non, madame. Ne me racontez pas de dannerie, vous êtes sur Radio Sportaz. Et uniquement ah, sur oui, Radio oui, Sportaz. Bien sûr, unique, toujours unique. Hein. Unique ta mère, unique oui, oui, oui. Ton monde. Unique le sport, mais c'est vrai qu'on attend toujours de la concurrence hein, sur ce domaine hein, du sport improvisé, porte quoi. Grand Jacques vient de nous rejoindre visiblement, il a eu du mal à se lever, il était fatigué, ça va mieux. Il a chargé, mais ça va mieux. Oui, oui. Et nous donc, alors qu'ici c'est au petit trou là que les chevaux se chevauchent. Jacques se fait rire tout seul, lui-même. Mon papier. Non, il est par là, le papier. Il y a trop devant ici. Ah, trop... Ça va, Jacky? Oui, ça va, je suis en train de me replacer. Hein. Je me... Et la côte gauche. Ouais, vous pouvez me jouer dans la quatrième course à Cagnes-sur-Mer à partir de 13h45. Ok. Ça va redémarrer pour la deuxième mi-temps. Même de le dentier vert, hein. tu as vu le Springboks, même c'est le vrai, dentier c'est vrai que vert. Lui, il l'ouvre pas parce qu'il a oublié le dentier vert, Emmons, justement. Emmons, The Booze, Kamel The Booze qui est sur la pelouse. Oui, je suis pas sûr, alors que Turtle et Furtle. Ah, Buttle et Turtle. Furtle et Burtle et Turtle. Bon, lui, c'est Naive Man. Ah ouais, ça c'est Jean-Pierre Lacassagne. Djokovic. Et Djokovic. Et on a vu également Basile Boli. Tout le monde est là. Le non, time shift. Non, on va pas shift. Deuxième mi-temps donc de ce match de premier tour de la Coupe du Monde entre le Pays de Galles et l'Afrique du Sud. Oui. Le Pays de Galles 6 points et l'Afrique du Sud 10 points. On a changé de côté. Ah, mais tu es bon là. Et le score avec Sporta 733, c'est reparti Tabana. Alors oui, est-ce que les Springboks vont faire pareil qu'en première période, c'est-à-dire marquer très vite et ensuite gérer plus ou moins donc, cette avance au score, oui. Vous le saurez en suivant la diffusion de ce match Sporta 733, je vous retrouve, n'hésitez pas bien évidemment à nous envoyer vos médicaments. Oui. Oui. Oui. C'est ce que je vous dis, envoyez vos médicaments. Oui, à 15 rue de la Poste à Paris. C'est un peu n'importe quoi. Pendant ce temps-là, les Springboks attaquent. Hein. 75, sans moi ça. Il peut le prendre les pénalités pour le Pays de Galles, car on a, on a gardé le ballon au sol. Excuse-moi, Jacques, de commenter ce match pendant que tu fais tout et n'importe quoi. Surtout. En tout cas, monsieur dont on cherche le nom. Ah non, ça va. J'ai monsieur Poupouille, on nous a posé monsieur Poupouille aussi. Monsieur Poupouille. Pourquoi pas. C'est pas mal, Poupouille, même bien que bon. Après tout, allez, un nom parmi tant pour l'arbitre qui n'en voit pas beaucoup plus. Monsieur Papouille. Monsieur Papouille, parce qu'on est là dans l'hémisphère, je vous en prie, dur, on est dans l'hémisphère dur. Je n'ai pas dit Papouze, Jacques. Oui, mais bon. Je n'ai dit Papouze. Oui, enfin, l'Afrique du Sud a longtemps eu utilisé des Papouzes. Comprenez. Oh, ça. Non, non, il y a eu quand même des moments très durs hein, pour ce peuple qui s'est réconcilié, toi-même tu ferais. Avec lui-même. Ah oui, oui, la Rainbow Nation, you know. Ouais, nous, on connaît que le Rainbow Warrior, nous, alors que c'est la Rainbow Nation. It will be different. Avec les Gallois qui attaquent. Jean-Pierre Gallois, maintenant, qui fout la SNCF sur les... Bon, ouais, sur le cul avec Carlos Gomes. Oui, c'est bon, ça pour Gallois, avec un petit surnom sur le côté, c'est bien joué. Le gars, il est tout petit, il a vu le gros, là, le gros mec. Petit, il a gagné quand même 2, 3, 4, 5 mètres. Mais bien sûr, on passe entre les jambes du grand, bien sûr. Le prince Charles qui essaye de bousculer la Nelson Mandela Company, mais pour l'instant, ça ne tourne pas tout à fait comme il faut. Et pourtant, les Gallois sont déjà là dans les 22 mètres. Oh. Dans les 22 mètres, Springboks, allez, Jean-Pierre. Juan Peter. Ouais. Oh, on a toujours le ballon pour les petits Gallois. Petit côté, surtout. Petit côté, on essaye de fixer les Gallois du petit côté. Et à mon avis, on va ouvrir d'un seul coup du grand. Et comme on dit, les petits font le poids. Non, il n'y a rien en avant là quand même. Et tu vois, tu as dit une connerie et tu as foutu le bazar dans le jeu gallois. Voilà, ça c'était une récupération sud-africaine. Voilà, Jacques, bravo hein. Alors, je ne sais pas si on dit toujours bazar, mais on peut dire souk. Oui, c'est pas interdit. C'est pas interdit. Absolument pas. Et c'est pas dégueulasse de dire souk. On peut dire le mess aussi. Non, je veux dire, c'est dans la langue française, parce que dès qu'on dit un mot pas français, on se fait tomber dessus, dès qu'on n'est pas français, dès qu'on n'a pas l'attitude française. La France, c'est français. Ça y est, il a démarré. Et merde. Et voilà, je vous l'avais dit. Oh, fais chier. Et on revoit cette. C'est pas vraiment un en avant, finalement. Non. Il n'en revient pas. C'est une touche au bénéfice des Gallois. Cette fois-ci, la joue Elle est belle. Une touche rapide, une flash touche. Oh oui, et puis une tamponnade aussi. Hein. Nous avons eu une tamponnade avec un ballon récupéré par les Springboks qui tentent de relancer. Et là, c'est la cavalcade. Oui, ils ont du monde. Les Springboks, ils ont du monde au derche. Oh, il est contré, il est légèrement contré. Et il reviendra. Oh, je n'en peux plus. Vous êtes nombreux à ne plus rien nous demander. Vous avez compris de toute façon que vous ne gagnerez rien ici. Que notre estime, notre admiration et notre respect. Estime, il y a team hein, dans estime. Oh, arrête, Jean-Louis, arrête de me tripoter là, tu es gros. Il est là, la Sirius, la planète des singes. Il sort, il quitte la pelouse, il va se faire remplacer. Nous retrouverons un de ces épisodes. Côté touche galloise, on a réglé le problème du contre hein, sud-africain. C'est parfait désormais, même si là on a perdu la balle. Oh là là, c'est un bon ballon de contre-attaque. Brevert, pas mal. Johannesburg pour Cap of Esperanza. Ah bien, Jacques, il nous a fait toute la géographie là, bravo. Tu me surprends, Coco. Vous faites ça en musique. On y va avec la province donc du ghetto. Ah, c'est la chiffonnade de rugby, là, un petit peu. Les Africains qui continuent de progresser selon leur formule, c'est-à-dire un grand bourg, et puis le petit derrière court. Le grand bourg, le petit court, et voilà qui est fait, la grande cavalcade. Pour éviter l'en avant, il y a eu de petits gestes techniques pour récupérer ce ballon, et là, quel courage pour celui-ci. En tout cas, les petits verts augmentent la portion, pression, que dis-je. La pression, mais on est allé trop loin. Ben oui, mais tellement ils l'ont mise, là, la pression, ils ont été hors portion. Et ce sera donc une pénalité au bénéfice des Gallois qui vont pouvoir se dégager sur une musique qui nous est confiée en 1976 que nous avons mis au coffre. Bénéfice. Et plus tranquille. Bon, allez, j'y vais. Hein. Ah oui, allez, j'y vais, oui, surtout. La planète des singes et l'antilope. On voit ce qui s'est réellement passé avec ce petit coup de pied, mais magnifiquement contré et heureusement, me semble-t-il. Oh, c'est beau, la gazelle au ralenti, l'antilope, Jean-Louis, c'est beau. Ça suit, Jean-Louis, les caméras, là, quand même, voilà, tu fais le courant un peu plus vite, là, le caméraman, il avait l'air un peu mou du genou. Jean-Louis, nous avons reçu encore des CV, hein, pour Jean-Louis, attention, le jeune tape à la porte. Ah oui, tous les jeunes qui cherchent du taf. Toca para gal, cette musique nous sort du match complètement, mais c'est finalement pas plus mal que ça. Et c'est bien pris, une fois de plus, ils sont magistraux dans ce domaine de jeu. Super, la gal. Et puis après, eux aussi, quand même, ils savent tamponner quand il faut le faire. En façon Diana. Même si là, ils reculent légèrement. Merci Jacques pour cette petite information qui ne concerne pas ce jour, hein, mais qui en rappelle un autre. Ouais, c'est bien joué. Oh là là Oh là là là là planchette japonaise. À la frite du sud, Yen. Ah, c'est la frite du sud, là, oui. Plus exactement, avec dans le petit périmètre, le prince Charles qui cherche Lady Di. Lady Di qui ouvre, qui écarte. C'est magnifiquement fait. Oh, on a mal pour lui. On a mal pourri surtout. On a mal pourri ce jeu. Et oui, le petit coup de pied par-dessus. Oh, par-dessous. Pas mal la touche. La touche, c'est la touche, la touche. Tous en touche, tous en touche. En plus, il récupère le ballon, les Gallois. Combien on est là sur le plateau? Il y a trois plateaux. Jackie. Je m'en fous complètement, Coco. Moi, je guinche. Tu comprends? Je guinche. C'est du rugby à guinche, bien sûr. Ce sera une excellente touche pour le pays de Galles. Je m'enlève le short. Et je vous pantoufle. Regarde ça, ça va être un petit instant sympathique de rugby, ce ballon qui est mort sans l'être réellement et qui filera en touche par le biais d'un coup de pied. Oh, la poésie Sportaz. Sportaz, only on live. C'est pas dommage. Un radio Sportaz. Yes, very good trouble. Et de suite on contourne, il va falloir contourner, oui, oui. Ils ont contourné la puissance ferme du pack sud-africain. Les Gallois qui vont essayer de progresser, même si là ils en sont parfaitement empêchés par les Springboks. Ouais, il y a le public qui gâche, je comprends rien. Ouais. En tout cas, ça se joue à quelques mètres près. Les rouges pourraient être devant. Ah oui, oui, oui, un essai, il passe devant. C'est ça. Un seul essai, il passe devant. Rapidement. Même transformé. Oui, Jacques, Jean-Loup. Tout de suite. Jean-Van. Fais-le aller vite. Accélère le magnéto. Vas-y, Jean-Loup, c'est vrai, mi-tête rapide. Mais vitesse rapide, Jean-Loup. Et une fois de plus, ce petit côté privilégié par la formation galloise. Alors c'est quoi? C'est une tactique? Qu'est-ce que ça veut dire? Ils se sentent forts? Oh bah oui, le privilège, c'est quand même quelque chose de très moderne. On est tellement nombreux qu'on est obligé de privilégier quelques-uns pour bénéficier de ces quelques-uns de leur richesse. C'est reparti avec la Galle, la Galle. Ah, la Galle la qui gagne. S'attaque partout. Ah, ouais, il gratte un peu et qui empeste le jeu. Sud-africain, il propulse à l'adversaire en arrière. C'est magnifiquement fait. Nous sommes dans les 5 derniers mètres, ça s'énerve. 5 mètres même, dit-on. C'est confirmé, nous avons des géomètres ici qui calculent le chemin encore à parcourir pour bien évidemment le peuple gallois qui pousse derrière son équipe. Non, il fait le crochet intérieur ensuite, mais non, c'est pas bon du tout ça, parce qu'il laisse la défense dans le sens de sa trajectoire. On revoit là Rory Gallagher, non, on le revoit pas, il est parti rapidement sur le côté gauche là-bas, il s'est pas placé, positionné, on va faire semblant de côté droit et c'est le côté gauche, le côté gauche, les mecs, tout droit, si tu veux, mes coches. Alors, vous voyez bien que c'est bloqué, prenez l'itinéraire de délestage. Alors prenez à droite là maintenant, allez, prenez à droite, oui, intervention de monsieur Poupouille ou Papouille comme vous voulez. Papouille, moi j'aime bien. Monsieur Papouille, eh bien écoute, je te l'accorde, c'est une pénalité au bénéfice des Gallois, autrement dit 3 points. Ancien coupeur de tête. Hein. De quoi parles-tu exactement, Jacques? Veux-tu préciser? Non, hein, tu me fais signe que non, tu ne préciseras pas. Je ne ferai pas de conférence de presse. C'est un magnifique contre-pied, bravo Jacques. Attention à cette... Ah non, il la joue pas. Ah si, c'est une... C'est le ralenti. Non, rouge, il la joue rouge. Je me suis emballé. Avec. Je n'en peux plus. J'en garde. Pénalité pour le Pays de Galles, autrement dit 3 points, ça les fait revenir juste à une unité des Sud-Africains qui n'ont plus marqué pratiquement depuis leur essai de la 2 ou 3e minute. Alors ça, c'est intéressant quand même. Non, ouais, je vous le dis, ouais. C'est intéressant. Il va la mettre. Ils sont champions du monde en titre, ils ont été en préparés comme jamais par des électromécaniciens qui les ont rafistolés de partout, qui les ont mis en dure façon bionique et pour l'instant ils sont malmenés par les frêles gallois. Et toujours dans ce rugby à 15, fonce grive, et là c'est bien, c'est dedans. Merci Jacques pour la boulangerie qui est ouverte bien évidemment dans ce rugby à 15 Fontegrive. C'est Ginette. C'est Ginette et qui vous servira le croissant. Ah oui, qu'elle emballe bien. Elle vous sert le croissant et le reste. Ce sera une remise en jeu pour le Sud-Africain qui est mal habillé. Ouais, qui a le short qui lui tombe mal. Alors que monsieur Papouille est derrière, hein, prêt à. Oui, Djokovic à là. Toucher. Qui se prépare pour la finale de Flushing. Oui, face à Madal. Ouais, ouais. Avec une remontée galloise. Ah oui, les Gallois le font. Qui sont là. Qu'est-ce qu'il lui a mis point, donc, oh, il un continue, drop, il continue. Que sais-je. Ah, il n'y a pas eu d'expulsion, hein, on peut le dire. Hein. Et ce sont les rouges qui sont très à l'aise. Oh là là, par contre, là, le plaquage est quand même sacrément haut. C'est numéro 22, là. Les Beurs, là, est complètement. Les Beurs. Andrew. Les Boers, hein, plus exactement. Boers. Hein. Oui, c'est ça. Et Boers. C'est parti. Vous le tirez des poubelles, votre truc. Oh, c'est dégueulasse. Avec, pour les Boers, ce n'était pas tout à fait propre hein, en matière d'humanité. Mais bon, c'était une autre époque hein, où l'esclave faisait tout. C'était d'ailleurs sa fonction, là, il disait, c'est pour ça qu'il fallait arrêter à un moment donné, quand même. Bien sûr, l'esclave, c'était une enclave. Mais, bon, la différence avec aujourd'hui, c'est qu'il n'était pas payé à l'époque, hein, c'est tout. Parce que sinon, oui, on peut être sous-payé, effectivement, et être un esclave aussi. Bien sûr. C'est moderne, bien sûr, ce sont des mots. C'est l'esclavage moderne. Et intervention, non, intervention de monsieur Papouille, pardon. Il n'a pas pou. Pas de touille. Et les Boers attaquent, oui, avec une petite combinaison. Ça s'agite sur la pelouse, déjà 10 minutes 11 de jeu effectué dans cette... Oh là là là là, l'autre. Oh, le freinage a visiblement lâché. Jean-Louis, j'ai l'impression qu'un joueur a perdu l'ABS. Oui, est-ce qu'on peut revoir ça, s'il te plaît, au ralentir? Ben oui, il lui a tout éclaté, là. C'est pas du jeu. D'habitude, c'est l'Irlande Rover hein, qui est le problème, comme ça. Comment est-ce qu'il a vu sa femme dans le regroupement et qu'il a décidé quand même de lui en mettre un bon coup cette fois-ci? Mais là, je ne comprends pas pourquoi il y est allé comme ça. Est-ce qu'on peut revoir cette image, Jean-Louis? J'ai l'impression que Jean-Louis... Non, Jean-Louis, c'est dimanche peut-être, mais quand même, bosse un peu, quoi. Hein. Oui. Ouais. en cuisine, Jean-Louis. Tu étais à la douche, Jean-Louis, pardon. Arrête à la douche, pardon. J'entendais du bruit d'eau, je pense que c'était la cuisine. Quel dommage qu'il ait perdu ce ballon. Qui? Ah bah lui, Tiver, et ainsi Robert. De suite, ouais. Ouais, et c'est ouais. Là, on va voir arriver, regardez bien. Qui? On va voir arriver là, le mari de cette femme-là qui... Là, oh, là. Et puis il était aussi grand que son placard. C'est assez regrettable. Pénalité, oui, il est content. Ouais. Le départ du 100 mètres a été donné, c'est parti, on peut y aller. On encourage tous les participants. Une bonne touche pour les Gallois dans les 22 mètres. John Black là-bas sur le côté gauche. Non. Je faisais le 100 mètres, moi. Ah, pardon. Ah, ils vont marquer. Les Gallois vont marquer. Gal. Si. Lui, chaque fois qu'il prend vrai. La balle, lui... L'impact, effectivement. Comme il faut. Le défenseur vert. Il l'impacte comme il faut. Hein. Je pense qu'il lui met du rouge sur la poitrine. On les met au sol. Et on est au sol aussi. Aha. On nettoie bien comme il faut autour du regroupement. On demande à tout le monde de se placer comme il faut. La combinaison 164 de Décambré à l'entraînement. La combinaison 164, s'il vous plaît. Elle est demandée. Elle est lancée. La voici. Oui. Enfin, pour l'instant, vraiment, ça avance pas. Hein. Pour l'instant, Mandelag. Mandelag. Oh, il y a bonne. Oui, goal. Là, il y a goal. C'est goal. Pas vrai. Oh, c'est goal. Non. Oh, magnifique. Abana de Galles qui marque. C'est magnifique. Le prince de Galles. Ah oui, c'est Jam. Magnifique en tweed. Gamelle de Bouze. Oh, je te tweeder. Et les tweeders? Ah, il y a goal. Non, il n'a pas rampé. Je pense qu'il n'a pas rampé du tout. Oh, c'est sur l'élan du placage. Voilà, ça y est, la caméra. Ah ben, tu sais, la caméra. Hein. Ah oui. L'arbitre qui a la rage. Ils en ont besoin. Ah, ils en ont besoin pour nous, hier. Pour nous, les Ségalois, ne fait aucun doute, bien évidemment, en tant que professionnel, nous vous confirmons que ceci va être confirmé. Regarde ça, il plonge et il ne rampe pas du tout. Là, il est dans l'élan. Goal. Dans l'élan, c'est dans l'élan. Il a mis le genou avant, mais dans l'élan, il y a tout simplement. Et puis alors, derrière, il y avait du monde. Hein. Goal! Eh bien, ça nous fait 5 points de plus sur les Gallois qui passent devant. Eh oui, qui passent devant. En direct, donc, de l'Afrique du Sud, c'est un pays européen qui rend sauvage le rugby moderne. C'est Tony Flatlose qui a mis cet essai. Bravo à toi. Bravo Tony Montana, donc, qui score face. Jean-Louis, s'il te plaît. On peut... Ils sont là, les videurs. Les videurs du nightclub qui va bientôt fermer, ils attendent la clientèle et ensuite ils vont se coucher, ils semblent fatigués. Oui, Jockey, vous êtes en direct du festival de Freak Jazz. Oui, je suis en direct de partout pour vous. Ah, il y a du pot, il y a du nion. Ce serait bien qu'ils le mettent parce que ça ferait 3 points pour les Gallois, vois-tu. Et là, ça deviendrait intéressant pour cette petite formation sympathique, alerte, joviale et prime sautière. Oh, j'adore quand je mets tripotel en but. Ça va être dedans et ce serait bien. Oui. Ah, tu vois, Jean-Louis, t'as travaillé ouais, l'angle. Ça va mieux. C'est dedans. C'est dedans. Ah, c'est dedans, là. Et oui, il n'y a plus de contestation possible. Deux points, c'est dedans. C'est... Bravo, et Wells qui passe dedans. C'est énorme ce qu'ils sont en train de réaliser, les ça petits nous fait Gallois. 13-10. Pour l'instant, 16-10, que disent 16-10. Non, il y a une erreur, non, Jean-Louis? Oui, d'ailleurs, on ne pourra pas dire le pays de Galles, là. C'est les petits de Galles, là. Hein. Ils sont beaucoup plus petits que les grands verts. Et c'est marqué, c'est goal 16-10, donc pour vous savez même pas compter jusqu'à 16, vous me dégoûtâtes. Non, c'est du rugby à 15, pourquoi je compterai jusqu'à 16? Bonne réplique, Jacques, tu fais bien, tu m'en sors, parce que là, je n'y arrivais plus. Smash up. Ah, mais c'est bon ça, parce que ça oblige les Springboks à non seulement marquer l'essai, mais en plus à le transformer s'ils veulent repasser devant. Oh, 55 minutes. Oh, C'est extraordinaire. C'est un bout d'exploit là que nous offrent ces petits rouges diables. Par contre, c'est d'un boudin que tu manges là, avec Jean-Pierre Brave qui s'est fait démonter la clavicule, mais qui donne quand même la balle. James Book. Oh, James Book, il préfère balancer le cuir plutôt que de se faire exploser, alors que celui-ci y va. Cher Gainsbourg. Bon, non, sous le sommeil. Exactement. Récupération du ballon par les Gallois, c'est magnifique. Oh, ce numéro 8 est absolument extraordinaire. Il marque des essais, il prend la balle. Je vais tomber un bourreau, ça y est, je suis de love. Je suis in love, Jacques. Porte Mayron. Oui, alors là, il faudrait expliquer hein, pourquoi. Non, les gens ne le savent pas. Alors, justement, il faut expliquer. Et Bana Split s'est complètement déchiré sur la réception de ce ballon. Ce qui est en train de confirmer qu'effectivement, il y a un problème aérien. Dès que le ballon passe les 10 mètres au-dessus du niveau de la mer, eh bien, il est sujet aux fluctuations du vent ici en Nouvelle-Zélande, qui souffle très fort. Ce vent musical qui nous vient de Wellington. 16-10 pour le Pays de Galles. 6 points d'avance. Oh, ça, c'est vraiment pas mal. Oh non, on espère autant de l'équipe de France. Ne revenons pas là-dessus. Oh, ça, on a vu juste un premier match plus ou moins à enjeu pour nos amis bleus. On a vu un match, on a regardé une partie, voilà, on s'est mis en route. Et c'est une touche pour les Gallois. On ne sait, tu as dit on ne sait, c'est une pub, on ne sait. Ah oui, mais c'est une pub espagnole, j'ai le droit. Oui, c'est vrai, pas d'espagnol sur le terrain avec, par contre, la Galle. Et lui toujours, la Galle. Oh là là, c'est 8, est absolument phénoménal. La Galle à Donf, la Galle à Donf. C'est magnifique, la Galle qui va marquer. La Galle again. Ah, ils ont perdu la Galle, ouais, c'est dommage, l'en avant, quel dommage. Oh, Pays de Galles, tu m'emballes. Ah, Sportas, tu m'embrases. Et toi, c'est toi. Radio CD MP3. C'est presque ça, monsieur. Voyons recommencer, peut-être vous le tenez. Seulement 12 890 euros. Il n'est pas question de prix entre nous. Alors, c'est number 8 là, est phénoménal. Alors, ils ont un 8 et un 12 là qui progressent à chaque impact, qui gagnent des milliers de mètres. Ouais. Seconde, ah, c'est magnifique. Introduction verte africaine del South. Ils sont en plein doute les Springboks là. Déjà que l'antilope n'est pas très, tu sais, je veux dire, elle est un peu tarée l'antilope, hein. Elle est inconstante psychologiquement. L'antilope consulte, il faut le savoir. Et j'ai l'impression que cette fois-ci l'antilope est sacrément secouée de l'intérieur. On m'indique qu'on est bien à Wellington, on est dans le South Park Africa. Cette musique me radoucit derrière. Moi, ce soit le South Pack. Bon, écoute, je ne t'écoute même plus. Je vais voir les messages. Je vais approuver. J'approuve Masados. Et finalement, je vais aller voir s'il en reste d'autres. Oula, là, il y a des. Il y a des quoi ? Oui, il y avait du nettoyage, on va dire, avec une touche galloise dans le camp vert. Tant qu'il n'est pas ethnique. Oui, tout à fait. Que les peuples se jouent du racisme. Et du racel aussi. Le ballon est là. Attention, pour que ça dure longtemps, c'est important, effectivement. Oui, bien sûr, Jacques. Hein. Vive la batterie. avec des Gallois qui sont pleins d'entrain, des Gallois qui sont requinqués par ce qu'ils ont fait. Ils sentent qu'ils peuvent créer l'espoir. Louis Gallois, donc, toujours. Oui. Qui avance, hein, qui progresse sur les rails. Mais c'est la bonne sortie. La bonne sortie galloise avec la combinaison est toujours celui-là. Il était attendu cette fois-ci. Il y avait le tripode, antipode. Et là, on remet ça pour les Gallois qui vont réussir quand même à transpercer la défense. Tandis qu'on cherche à plaquer maintenant méchamment du côté Springboks, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein, c'est-à-dire, on s'énerve, Jacques. On veut châtier physiquement l'adversaire en oubliant que c'est le ballon qu'il faut prendre. Le bien petit, bon petit, On est mené, on n'avait pas prévu au menu d'être mené. Et surtout, on n'a plus le ballon du côté Springboks. Oh là là, transperce. Magnifiquement. Gallagher est OK au sol. Gallaball. Michael Gallaball, mais finalement, il a été confisqué ce ballon par les Sud-Africains qui se défendent comme il faut eux aussi et qui récupèrent le cuir. Oh, quelle action! Oh, Gall, il te faut marquer maintenant, sinon après tu risques de t'exposer à quelque chose de terrible en fin de partie. Marque, Gall! God save the cuir! Là, il est beau le rugby qui est beau. Il est beau ce rugby. Ah oui, là c'était bon. Effectivement. Nous avons eu droit à une petite séance sympathique. Et pendant ce temps-là, c'est l'enchevêtrement de l'homme sur l'homme. Alors qu'ici, ça groove. Oui, c'est tranquille, hein, derrière. Le studio n'est pas grand, mais il y a du monde. Hein. On vient à peine de mettre la lumière. L'orchestre est sur la Rochelle, tandis que la billetterie est au WC. Oui, le manager est à Paris. Ça se passe comme ça. Pa-da-pa-pa-pa. 16 à 10 pour le Pays de Galles, 60 minutes de jeu ici en Wellington. Oh non, c'est marqué en gros hein, là-bas, Wellington, les gars. Je le confirme. Bravo. Hein. Oh, non, les tocards, les charlots du direct, les tocards, les usurpateurs du micro, les enfumeurs de Londres. Je vous tiens. En tout cas, ça taquine au sol. Là. Ah, le Gallois progresse, mais finalement, il perdra le contrôle de la balle. Monsieur Papouille est ayant décidé que finalement, il rendait le cuir. Bon, la différence de gabarit, même avec l'avance, c'était terrible. Tu as mal à la jambe, Jacques, je le vois. Tu as mal à la jambe. Je suis plus âgé que l'aile, je fais... On s'en fout, monsieur, on s'en fout. Je suis plus âgé que la jambe, c'est ça qui est bizarre. Eh bien, j'ai l'impression qu'il y a un petit instant jingle là, qui nous est offert par la Fédération Internationale de Rugby. L'instant autopromotion, l'instant jingle Sportaz pour toujours se rappeler le nom de cette émission. Sportaz. Sud-Ouest. Radio. Toulouse. Sportaz. France. Radio. Sportaz. Vous êtes au cœur du spectacle. Et au cœur du son. Il y avait quelque chose. Ah oui, on continue bien sûr à acheter des jingles de tout. De partout. De partout. Je me suis demandé si on n'avait pas un saucisson quand même à ce moment-là. Non, c'était hier soir le saucisson. C'est vrai, oui. Que ce soit la pisse qui tâche. Oh là là, carrément en fait. Oh Jacques, vous êtes dégueulasse. Alors là, c'est... Ah, c'est vrai que t'es dégueulasse là. Oh non. Alors on a vu un Cavana qui a bu hier soir d'ailleurs. Ce qui est un petit peu inquiétant, c'est qu'il est déjà sorti, alors que c'est quand même... Oui, Jacques, oui. Il rigole tout seul. Qui rit, qui rit tout seul. C'est une mêlée, hein. Et on a sorti quand même le créateur d'essai du côté sud-africain. Bon, ben, oh, bon, le contre-gallois. Oh, c'est la panique, hein. Chez les Sud-Africains, le Springboks est en pleine déroute sentimentale. Tout est déroute. Ah, oui. Oh, placageau, mais ça... Oh, placageau, hein, toujours. Ouais, hein, on revient au placageau. Le fameux. On accélère côté vert. On essaye. Mais on est sévère côté rouge. De la vitesse, on me met de la vitesse un petit peu. Oh là, pas vraiment. Là, c'était légèrement foiré comme combinaison. Sauf ici, peut-être avec. Il s'est isolé et en plus, il est mal retourné, mais quelle âne. Et finalement, il conserve vers le cuir. Sortie verte. Ouais, en tamponade. Hein. Uh-huh. Ah, il y va. Voilà, c'est bien, petit. Il avait quand même le médecin, l'infirmière et l'interne sur le dos et il a continué à avancer. On sent la fébrilité verte, hein, ouais. L'Afrique du Sud, qui n'est pas chez elle, certes, mais dans son hémisphère habituel, pourtant. Ah, je vois que c'est une précision importante, c'est vrai, ça, ce que tu nous racontes. Alors que les Gallois sont à l'envers, ils sont retournés, mais ils retournent le retourner. Oui, ils ont subi le décalage horaire, ouais. Tout est différent quand même. Ça sent la bonne préparation. Ce n'est plus la même saison, ça sent effectivement la bonne préparation. Qui est en cuisine? Jean-Louis dit tu fricasses. Oui, là on se jette là sur la fricassée de dinde. Ah oui, ça a l'air bon. Hein. Ah, ce que tu prépares, visiblement ils aiment. Coup de pied fin. Et très bien, hein. Bien dégagé, sans prendre le risque de récupérer ce ballon à la main, de faire un en avant. L'arrière gallois a directement tapé en touche comme l'aurait fait Jérôme François en 68. Son avion, oui. Hein? Il y a quelqu'un? Oui. Il est toujours là, j'ai entendu qui, voyons? Non, justement, quittez votre maison. Ah, quittez votre maison! Pardon, une alerte au 11. Il y a une alerte. Alerte, n'appelez pas le 11. Censuré, enfin non, saturé, pardon, pas censuré, saturé. Attention, oh là là, le peuple gallois qui fait reculer le Springboks, mais qui réavance. Hein, c'est Springboks a été malin. C'est bouvant, hein, c'est débouvant. Allons. Bon, finalement, ça va mettre un peu de suspense. Allons. Sud-Africain venait à marquer, là-haut, il s'approche. 5 mètres. Ils sont dangereux, 5 mètres, vous dit Jacques, et c'est une Le petit vert espère. Esperanza. Mais il est tout seul, et finalement, il oblige ses partenaires à repartir de l'autre côté, sauf qu'ici. Oui, magnifique. Ochigari, du numéro 11 gallois, là, qui a terrassé l'adversaire. Du hors-jeu, que sais-je encore, oui. Tu vas nous le dire, Jacques. À peine un peu plus d'un quart d'heure de jeu, 16-10 pour le Pays de Galles face aux Sud-Africains. Est-ce qu'on peut parler réellement d'une surprise? Alors, on le voit, on entraîne, il y a une entrecôte. C'est une pénalité, hein, pénalité. Ouais. En bénéfice, je te touche, hein, l'entrecôte. Merci Jacques. L'entrecôte est pavé, hein, bien évidemment. Ici pour la Toulouse Station. Ah, il joue carrément. La pénale touche. Oh là là là là, ils se sentent fortes. Non, ils se sentent surtout battus pour l'instant. Surtout. Et puis ils se sentent mauvais, hein, parfois quand même. Ah, ouais, le joueur de rugby aussi quand même transpire énormément, il faut rappeler. L'hémisphère du sud à Sion, bien sûr. Ah, oh, celle-ci est quand même extraordinaire. Elle nous sort par tous les ports. Purée. La connerie nous sort par tous les ports, Jacques. Oui, oui. Et notamment le port de Johannesburg. Oui, ou nous le allons nous retrouver port demain. Du Cap. Le port du Cap aussi. C'est obligatoire. Le ballon est relancé par les Sudaf. Le port du Cap étant obligatoire, les Sud-Africains se font prendre par la belle défense galloise. Qui pousse, qui pousse, qui progresse. On isole l'adversaire. C'est bien. On isole et ensuite, vite, on se relève et on se remet en position de pouvoir plaquer. Ça passe quand même. Ça passe un peu. Petit verre, on gagne quelques centimètres. Ils vont marquer, là. Ah, oh, oh, oh, les waterproof. C'est un essai waterproof. C'est Mr. Swimming Pool qui vient de marquer pour les Sud-Africains. John Peter Swimming Pool. On va voir ça au ralenti. Et dès que vous voyez une antilope en ce jour-là, le tournesol est foiré. C'est les sœurs jumelles du professeur Tournesol. Les filles, hein, qu'on voit loin, hein, les sœurs jumelles, on les voit toujours loin. Merci Jacques. Je l'aime de loin. Avec lanière, bien évidemment. Avec l'art et la lanière. Et on voit ce petit ballon. L'arbitre gêne un petit peu la défense même, hein, galloise. Oh, attendez, mais on l'arbitre peut pas, gêne. Oui, enlève-moi l'arbitre, tu vas voir si on n'est pas gêné. Oui, regarde, si, il est quand même sur la trajectoire, même s'il ne fait pas au fil. Arbitrage vidéo, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut, non? Il n'y a pas l'arbitrage, j'avais envie là de le. Mais bon ben finalement, ce sont les Sud-Africains qui repassent devant d'un point. 17-16. Vous avez bien entendu. 17-16. C'est intéressant. Ah oui, c'est intéressant. Et on revoit ce magnifique plongeon donc à la piscine à Fraternité à Toulouse, avec les applaudissements des maîtres nageurs. Un petit clin d'œil là. Ouais, ouais. Le joueur qui a marqué l'essai côté Afrique du Sud, Africain du Sud, donc qui reprend l'espoir. Oui, l'espoir Williams, hein, très exactement. Et en dessert, donc, bien sûr. Quand tu es dans le dessert, et là, quand même, le grand. Le grand est grand. Ah oui, donc, il y a un grand 18 rouge. C'est là, ça, on est obligé de perd et passe pas. Alors, on ne pouvait pas passer, effectivement. Bonne défense verte à nouveau. Oui, mais tranquille, c'est un dégagement, Jacques. Hein. Tout est faisable dans cette confrontation, tout est possible. Il reste largement assez de temps pour qu'il se passe beaucoup de choses. Dégage. À qui tu dis ça, toi? Toca para Pays de Galles. Pays de Galles, qui, je vous rappelle, dispose d'infrastructures totalement nouvelles grâce à la technologie Sportaz. Importatrice de bienfaits partout dans le monde. Gallagher qui cherche Galawan. Galawan, quand même, je pense qu'il va prendre de bonnes vacances après, hein, parce qu'avec tout ce qu'il fait comme tampon, il a pris. Je suppose qu'il va pouvoir continuer. Lui, il continue. Oh là là, le numéro 8 qui a sabaté la gueule de son adversaire d'un grand coup de boule et on renverse le jeu du côté Galawan. C'est bien ça. Fait. Ouh, la crème renversée, ça ah, c'est bon non, à cette heure. Par contre, non, ça c'est dommage. Ah ouais, belle récupération, beau dunk quand même, vous l'avez vu. De John Peter. John Peter qui livre magnifiquement la balle à son partenaire, qui la dégage un magistral coup de pied rasant qui vient d'en trouver la moitié du terrain. Je te transmets les informations 05 71 12 13 14. Appelez-vous. Non, Appen Under plutôt. Appel Under. Appel Under qui a mal récupéré la balle et qui glisse. Oh, glissade. Oh, il est mal, mais un partenaire est là pour le soutenir. Oh, bravo, d'une main. Oh, bien passe d'une main. Oh, c'est contré. Ah oui, c'est contré. C'est très con et c'est pas du verlan, c'est contré. Wawa futur. Non, c'est la bonne offensive, la bonne attaque pour les Gallois. Il y a du mouvement, allez-y, vous êtes deux petits contre deux gros. Non, ils sont quand même beaucoup en oui, face. C'est pas mal. On va fixer. On va fixer. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Les appliques. Oui, la lumière, les lumières, les ampoules, on va fixer. Ballon sorti difficilement et intervention. Il y avait une erreur, on a plongé et on a talonné le ballon à la main côté sud-africain. Ah bon? Et pourtant, ce n'est pas une pénalité que signale Monsieur Papouille, c'est une simple mêlée au bénéfice des Gallois. C'est tout? Ah, mais c'est pas mal, puisqu'ils sont finalement pas si mauvais. Uh-huh. En mêlée. On voit la faute grave et le dérapage de Vettel. Vettel qui a dérapé mais qui peut finalement donner le volant à son partenaire qui va se faire contrer au dégagement. Et c'est ainsi que se poursuivra cette action chez mais vous. Pourquoi on ne voit que des antilopes? On ne voit pas le logo du Pays de Galles entre nous soit dit. Parce que le ralenti concerne souvent l'antilope, hein, Jacques. Et puis c'est l'ouverture de la chasse aujourd'hui. Donc pense que c'est un message adressé à tous les fervents de la chevrotine. D'accord, je pensais que c'était uniquement dans les toilettes, l'ouverture de la chasse avec cette mêlée qui s'emballe, qui se relève, va s'écrouler. Oui, peut-être. Là-bas, non, elle s'en va, la mêlée s'en est toute seule. S'en est allée. Toute seule, au loin. La mémé est vivante. Sortie de balle pour les Gallois qui vont aller marquer à leur tour. Hein. C'est un match à suspense à mort, c'est-à-dire qu'il y aura du rebondissement, ça ira dans tous les sens. Allez. Il essaye de le faire, il est aidé par les partenaires, mais là il est bien. Il s'est fait retourner aussi. Il s'est fait mettre minable. Attention, sortie de balle avec Galbraith. Galbraith ? Non, je ne l'ai pas celui-là moi. Hein. Ah bon, pourtant. J'ai le poulet de Braith, mais je n'ai pas le Galbraith. Oui, il joue à l'économie. À l'intérieur, on demande à l'intérieur et on montre à l'arbitre qu'il y a des Sud-Africains qui foutent un peu le pagaille dans le rack gallois. Et il faut sortir ce ballon rapidement, nous allons rentrer dans les 10 dernières minutes de jeu. Le drop, drop. Oh, c'est à côté. Quinte à côté, quel dommage de vendanger autant d'efforts pour un coup de pied raté. C'est l'heure de la prière manifestement. Oui, puisque c'est l'heure, hein, c'est l'heure des Austin Power. Oui, on se tient la tête, hein, tout le monde se prend la tête, se tient la tête, on se met les jambes, voyez, hein, tout le monde, on s'embrasse là-bas. Oh, voyez, bien sûr. On s'embrasse. Ouais, on échange le fluide. Ah, oui, je vois ça. Je comprends ce que vous voulez dire, Jacques. Mais ça va être, tu vois qu'on le voit le logo. Le fameux logo que tu réclamais. On l'a vu, on l'a vu. Donc quand ce sont les Gallois qui sont dedans, au devant ralenti, ça, on montre le logo gallois et le gaulois. Voilà, tu viens de... tu as tout compris, Jacques. C'est une modernisation donc de la réalisation. Oui, plutôt un perfectionnement, dirais-je, hein, qu'une modernisation. Non. Belle arrêt de voler. Modernisation, je voulais dire. Oui, ben écoute, hein. Dégagement tranquille et furtif, mais profond. Du défenseur sud-africain qui va offrir une balle de relance à Shane O'Neill. Shane. Tout seul. Pour lui-même, mais qui s'est fait défoncer, d'accord, me semble-t-il. Mais non. Il aurait pu passer entre les antilopes. Par contre, au placage, il s'acharne. Ouais. Oh, oui, c'est des joueurs. Le gars, voilà. Écoute, viens. Ouh, on a l'air plus rassuré, hein, côté. Eh oui, quand on mène Africa du Sud. Oui, d'un point. L'Africa, c'est oui. Vous êtes vraiment en plein repas. Attention à ce ballon sorti par Gall. Ça groove à nouveau. Oui, c'est un peu histoire de Gall, c'est joliment fait. Oh là là. Toute touche dans les 22. On joue rapidement côté africain du Sud. On va chercher une touche, une contre-touche. On retouche, on se met dans la merlouille là quand même. Pourquoi pas 4-1-2 d'affilée. C'est pas mal joué de la part des Sud-Africains qui finalement se retrouvent. Non, là, il est mal. Il est mal retourné. Pénalitat par Gall. Eh oui. C'était mal mis, Kiki. Eh oui, on a été gourmand. On a joué le 1-2-1-2-1-2 et finalement. Eh oui, alors qu'il eut fallu être gourmet. Il va falloir lui mettre un petit coup de chauffe. Et on a vu l'agenda 21, donc très serré donc pour tout le monde, car la planète va péter. Surtout à la semaine 39, méfiez-vous de la semaine 39. Pas deux tours qui vont faire raser la planète, hein. C'est tout le monde qui tue la planète à petit feu. Le PS aussi, apparemment, aura deux tours à partir d'octobre, me semble-t-il, Jacques. Voilà. Oui. Ouais, on me dit que maintenant, il faut y aller. Et ce serait bien qu'on assiste à cette pénalité. Si elle pouvait passer entre les barres, elle n'est pas facile. Alors vont-ils finalement la tenter parce qu'elle n'est pas évidente ou vont-ils jouer l'essai? On voit ça gentiment ralenti. Là, il est mal retourné. C'est fini pour lui. Eh oui. C'est terminé. Il ne peut pas jouer ce ballon. Visiblement, lui, il vaut mieux le laisser sur le banc de touche parce qu'il est, hein, il est content pour les autres. Il est heureux de voir ses partenaires bien le vivre alors que lui, non. Il s'est réveillé, il a fait un micro-sommeil, hein, je crois. Allez, Gallion qui va tenter cette transformation. C'est pas facile du tout. Non. Je ne sais pas s'il n'aurait pas mieux fait d'aller chercher peut-être un petit peu plus d'ambition. On voit. Les joueurs gallois. Arom Gallion. Il est là. James Book. Arom, ouais. Vas-y, Coco, applique-toi, je te sens bien. Je te sens confiant, je te sens serein. Je te sens sûr. Oh, putain de toi, putain de toi. T'auras pas deux occasions quand même de planter la... Non, mais elle n'était pas facile à mettre, Jacques, elle n'était pas facile à mettre. Ouais, non, mais attendez, à ce niveau de jeu, on n'attend pas non plus que ce soit facile. On le sait très bien, l'Afrique du Sud, championne du monde. Mais le rouge à lèvres a été mis à côté un peu, hein, mademoiselle. Il va falloir travailler un peu le maquillage. Ça bouge à lèvres. C'était un peu loupé. Mm-hmm. Allez, le TFC qui récupère ce ballon. Allez, Marchico. Le joueur sans dents du TFC. Marchico. Et le cuir est là, le cuir est là hein, pour les Gallois. Allez messieurs, vous avez la possibilité de repasser devant et ce serait pour vous très bon pour la suite de la compétition parce que vous changez finalement la donne de celle-ci. Vous basculez d'un groupe à un autre et vous changez d'adversaire potentiel au cours du quart de finale. Voilà pourquoi il faut gagner ce premier match pour les Gallois, ils le savent. C'est pour le quart de finale parce qu'on joue bien, on joue fin. On joue comme on est juste dans ce ballon, dans ce stade, dans cette compétition, dans ce premier tour. Qui sort ce ballon, bordel? Alors, ça on a les chaussures jaunes hein, du côté des Springboks. On a la chaussure jaune étant visiblement est en solde, ou je ne sais pas. Il y a quelque chose, il y a une affaire à faire sur la chaussure jaune. Sortie du ballon par les Gallois. Les Gallois qui vont c'est du Jaguar. Hein. Ouais. Alors, ils vont chercher soit la pénalité, tu vois, soit la faute. Oh non, non, non, non, non, non, non, non, non, non. Non, là, ça, là, ça laboure parti. Là. Ah non, mais ils ont le droit de le faire, ils l'ont fait juste quand il fallait. C'est parfaitement exécuté de la part des Springboks. Allez, 16 à 17. L'avantage de l'Afrique du South Pack. Only one point d'écart entre les deux formations. Only one point d'écart avec un ballon relancé par Gall. Par Gall. Bientôt le match, hein, bien évidemment. Angleterre-Gall. Ce sera quand même d'une autre étoffe. Ah, bien sûr, du 38. Je n'ai pas parlé de la taille. Je vous dis que ça. Je vous dis que ça, Jacques, hein, d'ailleurs. Je ne vous dis que ça, voilà. Sortie de Gall. Gall, il faut que tu fasses un trick now. Hein. Yes, it is a coucou de pied. Il me semble que le ballon n'a pas le droit de sortir directement. Il me semble que oui, Non, alors oui, est-ce qu'il joue la touche? Oui, on lui accorde la touche, il la joue finalement à 35 mètres de là où elle était, mais s'il y a seulement vite, danger, très vite. Non, il peut le faire. Voilà. 75 minutes et 9 secondes. Hein. Ah oui. 10, 11, 12. Ah ben Shane, enchaîne. C'est bon. Enchaîne qui met à l'intérieur pour celui-ci, c'est magnifique, parfait. Il faut donner cette balle. Ouh, le grand fou rouge. Il a encore le ballon, Jacques fou rouge. C'est beau. Ah, ils ont perdu là. En avant, en arrière, m'aider au bénéfice des Sud-Africains. Oui, il était hors jeu, il a joué le ballon, c'est ça. Ça excite un peu derrière cette musique, hein, ça maintient, ça. Uff. On l'a vu en tout cas. 12h07, mais il faut que je me maille, moi. Dépêchez-vous d'en finir avec le suspense, surtout, c'est insoutenable. Ah! Et comptez tout, Jackie, comptez tout. Ça y est, j'ai fait le décompte, effectivement, et nous en sommes à 13. Comptez comme ça. Est-ce que je peux avoir le chiffre auditeur, s'il vous plaît? Attendez, je regarde. On entend que vous regardez. Et récupération, l'arbitre intervient. Monsieur Papouille qui signale une pénalité au bénéfice des Sud-Africains, c'est dommage. C'est vraiment dommage, c'est bien dommage, c'est dommage. Je vois du 12. Un 12 degrés, alors, hein. Peut-être. Ou de force. Qu'intervention de monsieur l'arbitre, hein, donc. Monsieur Papouille et Mazados nous signalent qu'au niveau buteur, c'est plutôt James Oops que James Oops. Ouais, ouais. Ah, merci à toi, Machados. Ça, gracias. Muchas gracias. Ah, à quoi le ballon est sorti, je pense qu'il peut le jouer, je ne sais pas pourquoi il est pénalisé. Il est un petit peu dur là, monsieur Papouille, sur le coup, avec les joueurs gallois. Ce sera une touche au bénéfice des Sud-Africains. Nous sommes dans les trois dernières minutes de cette confrontation, tout va bien. Il est à Tillon, hein, monsieur Papouille. Ah non, il est à Wellington. Oui. Et effectivement, avec les joueurs, lui, il est grand, ce 18 rouge, là, ce grand fou rouge. Ouais, belle prise de balle par le Springboks, il a magnifiquement sauté. Vous l'avez vu, hein, l'antilope, le saut de l'antilope pour attraper la pitance. On ne bouge plus, là. La photo. Ah ben, je ne fais que ça, on n'est pas bougé, moi, depuis tout à l'heure. Hein. C'est bien. C'est parti avec les petits verres qui déroulent. Ils vont, oui, effectivement, ça va être, c'est le risque, hein, pour les deux ou trois dernières minutes de cette confrontation. C'est le risque que les Springboks jouent des petits, voilà, petits périmètres pour conserver le ballon, éviter le contre et surtout faire tourner la montre. Et là, ça sort Ça sort mal. Ouais. Il s'assorma. Oh là là, il y a du plaquage. Il y a du plaquage hors du côté gallois aussi. Mais récupération par la Springboks qui attaque, qui a entendu cette musique, qui les transcende, qui les maintient en éveil et en action surtout. Et oui, il peut le récupérer peut-être ce ballon. Non, intervention de monsieur. Pour l'instant, ça joue. Alors, c'est du Rhythm of the Wild. Ça devient de plus en plus sauvage. C'est terrible parce qu'il n'y a personne pour récupérer le ballon. Voyez-vous, je vois un magnifique short blanc bien dressé, bien en l'air, bien ouvert. Et pour l'instant, personne pour récupérer le ballon. Ça y est, c'est fait avec Franz Burger. Oh, ils étaient deux. Hein. Double Burger. Il le met derrière. Il ne peut pas le tenir, sauf si celui-ci a la balle. Patience, non, patience peut-être. Ah, oui, ils sont repoussés. Mais pendant ce temps-là, le chrono tourne. Qui veut le ballon ? Eh oui, mais le chrono tourne. Qui veut le ballon ? Est-ce qu'ils vont chercher le drop ou vont-ils continuer à faire défiler les secondes ? C'est terrible ce qui se passe en ce moment sur la pelouse de Wellington. On est dans les 22 Gallois. On a tenté de monter sur un cheval vert. Les 22 Galloises, vous me dites, j'arrête. Hein. Ah. Ouais. Arrêtez de fumer. Sortie du ballon pour les Springboks. La sortie est délicate, la sortie est difficile. Une minute et demie à jouer. Une minute, regarde, ils n'y vont même plus. Tu vois, juste de quoi voilà, faire tourner, juste c'est de ça. Quoi faire tourner la montre. Et là, on a eu un magnifique retourné Mawashi Gary de la part d'un joueur sud-africain. Non, parce que là c'est pour vous foutre. Oui, pour t'embêter, quand en même. Fait. Voilà, c'est pour faire c'est tourner le temps, pour gagner le match, tout simplement, ouais, petitement. Ouais. Mais vont-ils regretter ce match, les Gallois? Je crois qu'ils vont regretter ce ballon, surtout, ouais. Parce que là, j'ai l'impression qu'ils l'ont perdu, le ballon. Monsieur, qui a-t-il l'avantage? Qui avantage en avant, oh. Les Sud-Africains. Et pas le ballon, oh, dernier l'ultime. Ballon. Oh, ouf, il va gerber lui. Ah, il est pas bien. Ultime cartouche pour le Pays de Galles, mêlée, et ensuite ce sera la contre-attaque. Ils sont capables de le faire. Ils ont derrière des joueurs talentueux et talentueurs. Oui, là, depuis tout à l'heure, ça castagne. Ah oui, ça chauffe. Hein. Ça chauffe. Regardez, il se jette dessus, mais qui l'aura cette balle? Qui l'aura? Ah. Qui l'aura? J'ai un problème. Effectivement, je chante un peu n'importe quoi. Quand l'heure arrive, il est exactement 12h10 et je dois être à la gare à 13h. A tout de suite. C'est l'heure, vous dites. Hein. Moi, j'ai un petit souci de son, mais c'est pas grave. Avec une mêlée. Mêlée pour garder. Bien il faut mêlée. Sortir ce ballon rapidement et la combinaison. La combinaison miracle pour les Gallois. Et ensuite, ce serait l'explosion de joie pour tout le peuple. Le peuple. Oh, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Oh, mais laisse-le attraper le ballon. Il était hors jeu, me semble-t-il. Attendez. Non, l'intervention de M. Papouille. Écoute, j'essaie de me finir. Là. Et ce sont les Sud-Africains qui récupèrent le cuir. Oh, c'en est fini. Cette fois-ci, c'en est fini. C'est fini, les gars. Ah c'est oui, fini, mais c'est directement fini. En touche, voilà, et c'est voilà. Terminé. Savais que ça les Sud-Africains vainqueurs de cette non. confrontation. Quelle tristesse. C'est dur, non. Oh, merde. Oh, c'est vrai que ça valait le coup de pied, peut-être, mais c'est un coup dur, surtout. Oh. Je vais devoir vous quitter. Alors, le prochain match, Jacques, parce qu'il y a quand même un truc qui tourne là dans cette compétition, une espèce de Russie-USA en rugby. Oui, c'est jeudi matin, 9h30, c'est une option, que sais-je. Oh, ben, vous verrez ça sur le site, hein, sur voilà, le calendrier. Vous ne vous leverez peut-être pas aussitôt, et nous non plus peut-être. Mais en tout cas, le week-end prochain, on remet ça. Je ne sais plus le match exactement. On ce samedi ça, matin. Ouais. Vous avez tout le programme chez vous. Oh, c'était Sportaz 733, très exactement. Ouais, ouais. Un peu triste quand même pour cette équipe galloise qui fut tant bonne et si généreuse. Et je suppose bien évidemment que ce direct sera immédiatement podcasté pour que vous puissiez le retrouver sur le site. Bien sûr, en podcast, bien tanné. Ah oui, Jean-Louis, des essais, il y en a eu. Oui, Jean-Louis, des pénalités, il y en a eu. Oui, Jean-Louis. Merci, Jean-Louis, bien sûr, aussi, également. Eh bien, peut-être à mercredi matin, donc. Jeudi matin, pardon, oui. T'es sûr, jeudi? Jeudi matin. Écoutez, je vais regarder ça ce matin, justement. Et sinon, eh bien, un week-end prochain pour la suite de cette compétition et des événements avec un France-Canada, me semble-t-il, qui doit traîner par là. Hein. Ah, peut-être. Oui, c'est un France-Canada, oui. D'accord. Tu m'as cloué le Québec. Auprès Saint-Gervais. Ah, non, le repas après Saint-Gervais. Montréal de Madrid. Bien sûr. On revoit le verre là qui le plongeon le qui a fait déborder le match hein, du bon côté tandis que là on remixe tout côté F1 c'est fini, les essais c'est fini, bien que la F1 c'est des essais aussi, mais c'était hier. Merci Jacques, hein, merci. Oui, merci David et merci au croissant qui était très bon. Oui, au croissant qui nous a écoutés. À bientôt. Madame. À bientôt. Monsieur. Et à tout de suite, mademoiselle.